ce sens de tomboy. T'es mon solo pompier. Et des yeux qui t'achètent, t'es normal. Et des odeurs, n'est pas ta mère. N'est pas ta mère, n'est pas ta mère.